Down the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, que je vous fais chier, mais c'est vos meilleurs. Tu crois que ça va. Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Rock and roll. I'm the gun, I bet you the wow. On the rocks. Wow. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h30. Et oui, c'est les horaires de l'émission, avec une émission spéciale ce soir qui me réchauffe le cœur. Oh, des artistes, j'en ai rencontré beaucoup durant ces 30 ans dans The Rocks, mais là c'est vraiment une belle rencontre qui a eu lieu. C'était le 13 novembre dernier. Camélia Jordana donnait un concert à l'Astrolabe et voilà, j'ai tendu mon micro et je vous propose ce soir plus d'une heure en compagnie de Camélia Jordana, l'actrice bien sûr, la comédienne de théâtre bien sûr, la femme engagée bien sûr, mais la chanteuse, l'artiste et la musicienne avant tout ce soir, on va parler de ça. Mais d'abord un coup de cœur, bah oui, c'est, vous savez, c'est la coutume dans The Rocks, un petit coup de cœur. I'm John and I too play guitar, sometimes I play the fool. Yeah, give me some. Petit coup de cœur ce soir, c'est une nouveauté qui est toute fraîche, toute chaude, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas ça vient de sortir, ça s'appelle Prima Queen. Alors c'est quoi la Prima Queen, ce morceau qui s'appelle Shoe My Cheeks, comment vous définir ça? Bah, c'est de la pop, hein. C'est assez pop, mais c'est addictif au possible, voilà, j'écoute ça en boucle depuis quelques jours, et bien j'ai décidé de vous en faire partager avant de plonger quasiment intégralement ce soir dans l'univers de Camélia Jordana. Voici donc le coup de cœur, ça s'appelle Prima Queen, Shoe My Cheeks, vous êtes bien sur On The Rocks, restez-y. Up on the stage, lights on your face, you make it easy. Intangible, a visceral pool, a daydream. For you, I chew my cheeks. For you, I'm down here on my knees. You make it easy. You make it easy. You make it easy. You make it easy. You make it easy. After the show, you go out for a smoke. I know you see me. You're caught in the crowd and they need you around. You never leave me. Clenched between my teeth. For you, I chew my cheeks. For you, I'm out here on my knees. You make it easy. You make it easy. You make it easy. You make it easy. You're a masochistic game. I know it hurts, but I like the taste. You're a masochistic game. We'll cœur ce soir dans The Rocks avec ce morceau de Prima Queen, Chew My Cheeks. Je vous l'ai dit, ce soir, c'est une émission spéciale, spéciale Camélia Jordana, interview enregistrée le 13 novembre dernier, juste avant son concert à l'Astrolabe. Alors voilà, Camélia Jordana, tout le monde la connaît, mais est-ce qu'on la connaît vraiment? J'ai eu une consigne avant cette interview. Pas de politique. On parle pas de politique. C'est pas Camélia elle-même qui me l'a donné. C'est son entourage. Ça tombait plutôt bien. C'est la première fois que j'ai une telle consigne en 30 ans d'émission, mais ça tombait plutôt bien puisque moi j'avais envie de parler de musique avec elle. Car depuis la Nouvelle Star et depuis son apparition sur nos écrans et dans nos oreilles, je ne cesse de le répéter à ce micro dans The Rocks. Je pense que Camélia Jordana a une des plus belles voix et des voix les plus qui mettent les poils au garde à vous, comme aurait dit André Manoukian, son ex-mentor. Enfin, lui transpirait de la moustache. En tout cas, une voix magnifique, une voix ambrée, fragile, cassée et à la fois forte, à la fois qui n'a pas peur de s'attaquer à des montagnes et qui les passe et qui les franchit avec aisance. Elle s'attaque à tous les styles, elle s'attaque à tous les genres. Alors forcément, il y a des styles et des genres qui me touchent moins et qui nous touchent moins, car elle virevolte de droite et de gauche. C'est également une grande actrice, bien sûr, Césarisée, victoire de la musique isée, je sais pas si ça peut se dire, en tout cas comédienne de théâtre également, mais chanteuse avant tout, j'allais dire, même si c'est une grande comédienne, et cette voix unique. Alors parfois je suis effectivement moins touché, il y a des morceaux très un peu plus pop sur son album par exemple, Facile, qui pour moi sont un peu les points faibles du concert qu'elle a donné à l'Astrolabe, mais c'est une question de point de vue. Il y en a et beaucoup dans la salle qui étaient absolument chavirés par ces morceaux. Moi j'avoue que je suis plus touché lorsqu'elle va vers des contrées un peu plus fragiles justement, ou en tout cas sa voix m'émeut énormément. Femme courageuse également, avec des propos politique, et il n'y en aura pas ce soir, mais des propos politiques que pour laquelle j'ai un peu de l'admiration. Voilà, c'est assez compliqué de tenir ces propos-là en France, encore à notre époque, et bravo à elle. En tout cas, ce soir, on va parler de musique, et voici donc la première partie de l'interview de Camélia Jordana, enregistrée le 13 novembre dernier à l'Astrolabe. Donc j'ai la chance et le bonheur d'être avec Camélia Jordana, salut. Salut. Juste avant le concert à l'Astrolabe, retour sur scène, enfin, avec des concerts. Tu es né artistiquement quasiment sur une scène, dans une émission de télé. Et donc, il y a eu du théâtre depuis, il y a eu des tournées. Et malgré tout, est-ce que la scène est un animal que tu apprivoises très bien ou est-ce que tu es traqueuse? Non, j'ai la chance de pas être traqueuse, et ce, depuis petite, en fait. Moi, j'étais plutôt dans la team des élèves qui étaient hyper contents de pouvoir réciter la poésie devant la classe et tout ça. Non, je suis pas trop traqueuse. J'ai le trac parfois sur des gros rendez-vous et tout, mais non, ça va, je vis ça plutôt bien, je crois. J'ai cette chance-là. On va parler de ta voix. Quelle relation tu as avec ta voix? Comment est-ce que tu la décrirais? Comment est-ce que tu l'approches? Est-ce que, pareil, c'est un animal familier ou est-ce que des fois il y a la bataille? Non, ça va avec le temps, il y a de moins en moins de batailles, je crois. C'est marrant, j'y pensais hier, je me disais, j'ai vraiment un timbre algérien, en fait. Un timbre de voix de femme algérienne, c'est assez drôle. Quand je pense à la voix de ma mère et de ma grand-mère et tout, en fait, j'ai vraiment les mêmes voix qu'elle, et enfin, la même voix que les leurs. Et donc ça, et puis non, sinon, je peux vous dire quoi de ma voix? Je peux vous dire que le piège, c'est que quand je dors peu, elle est encore plus fatiguée, et moi, je trouve ça encore plus beau. je trouve ça plus fragile et du coup plus émouvant, parce que c'est ce que moi, je cherche des chanteurs et des chanteuses qui me touchent. Après, c'est pas en prendre grand soin, du coup, que de cultiver ça. Je vais pas jusqu'à le cultiver non plus, hein, mais en tout cas, je suis pas mécontente quand ça arrive, quoi. Je crois que Tom Waits a pas pris beaucoup soin de sa voix. I said trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful I see skies of blue, clouds of white, the brightest days, the dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. colors of a rainbow, so pretty in the sky, or also on the faces of people going by. I see friends shaking hands and saying, how do you do? Ça, c'est la Camélia Jordana telle qu'on l'a découverte il y a quelques années, plutôt jazzy, plutôt voilà, une voix qui nous met tout de suite dans l'ambiance piano-bar, avec des interprétations magnifiées de grands standards pourtant assez inattaquables, comme ce What a Wonderful World qu'elle a enregistré avec la complicité d'André Manoukian. Et bien depuis, Camélia Jordana, c'est bien différent, peu de chansons de ce style sur la scène de l'Astrolabe, mais plein d'autres styles, avec un début de concert absolument magnifique, où tous encapuchés, ils ont donné un début de concert très africain, avec des titres voilà qui l'ont transformé en chanteur, en chanteuse je sais pas, du Burundi, du Mali, enfin en tout cas ça lui allait vraiment vraiment très très bien. Et puis il y a eu plein de styles pendant ce concert, des styles qu'on va essayer de se visiter ce soir dans On The Rocks à travers cette interview de Camélia Jordana. Il y avait un bel arbre aussi planté sur la scène, une belle scénographie. Camélia est en tournée en ce moment, allez la voir. Voilà, moi comme je vous le dis, j'ai été absolument emballé par une grande partie du concert, un peu moins par d'autres parties, mais en tout cas il y a toujours cette voix inimitable qui est la sienne et qu'elle utilise d'ailleurs pour répondre à mes questions dans The Rocks. T'es un peu, ça va te surprendre, mais t'es un peu le Jean Gabin de la musique pour moi. Je m'explique. Jean Gabin avait cette capacité de, quels que soient les textes et quels que soient les auteurs, d'en faire du Jean Gabin sans dénaturer jamais les textes. Et toi avec la musique c'est pareil, j'ai l'impression que n'importe quel morceau que tu prennes, que tu aimes, ça devient par ta voix et par sa fragilité justement et par son timbre, ça devient un morceau à toi que tu magnifies. Mais cependant, est-ce qu'il y a un morceau que tu as toujours essayé de reprendre et qui t'a toujours résisté et tu n'as jamais réussi à l'avoir ? Merci déjà. Bah, il doit y en avoir, ouais, je pense, mais je saurais pas dire quoi. C'est pas un truc de résistance, je crois que c'est plus un truc de mood, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un vrai truc, quoi. Ça fait partie vraiment du métier d'artiste, enfin de notre travail, j'entends, que d'apprendre à faire la différence entre ce qu'on aime écouter, ce qu'on aime chanter et ce qui nous va. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a. Je pense que plus on vieillit, plus on crée et plus on a conscience aussi du décalage. Il y a aussi ce qu'on sait faire. Ce qui est encore autre chose. Et donc, je pense que plus j'évolue dans la musique et plus je sens que, enfin, dans mon métier, et plus je sens les endroits de lâcher prise ou de frustration ou de qui font que y a une vraie différence entre la musique que j'écoute, celle que j'aimerais faire, celle que je fais et celle que je sais faire. Once I had love and it was a gas. Soon turned out, had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love's gone behind. Once I had love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Much mistrust, love's gone behind. In between, what I find is pleasing, and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. Your tears and like you do. Once I had love and it was a gas. Soon turned out, had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love's gone behind. Lost inside, adorable illusion, and I cannot hide. I'm the one you're using, please don't push me aside. We could have made it cruising, yeah. Ooh, Ce soir dans The Rock, c'est une spéciale Camélia Jordana avec d'abord une petite reprise du Heart of Glass de Blondie enregistrée pour une radio concurrente mais néanmoins amie. Et puis là, on rentre dans le vif du sujet avec ce morceau SOS Méditerranée qui figure sur le dernier double album Fragile de Camélia Jordana avec un moment de grâce sur scène où elle chante ce morceau quasiment a cappella avec ses musiciennes, beaucoup de musiciennes sur scène et ça fait du bien aussi sur ce morceau militant car de la politique, bah forcément il y en a un petit peu dans les paroles de Camélia Jordana et ça fait du bien aussi. SOS Méditerranée donc pour rendre hommage à ce bateau, ce navire qui récupérait les gens perdus en Méditerranée qui cherchent un ailleurs et un meilleur et qui parfois se noient comme ça a été encore le cas il y a peu de temps en Manche. Donc voilà, toujours malheureusement j'espère qu'un jour ce morceau ne sera plus d'actualité. En tout cas il figure sur le dernier album de Camélia Jordana et il s'appelle SOS Méditerranée tout simplement. On continue l'interview ce soir de Camélia Jordana dans The Rocks. Ça a été enregistré dans les loges de l'Astrolabe et effectivement c'est ce que je me suis dit, on lui parle beaucoup de choses et elle parle de beaucoup de choses Camélia Jordana, mais on lui pose rarement des questions sur la musique, sa musique et la vision qu'elle a de la musique et pourtant eh bien, elle a des choses à dire et nous on a des choses à ouïr. C'est maintenant, c'est dans The Rocks. Alors tu dois être un cauchemar pour les étiqueteurs qui est une grande spécialité en France parce que tu passes du jazz. Mettre une étiquette, c'est compliqué. Tu parles du jazz le plus pur, de Chet Baker, à Dadju, à Brel, à Belkader, que tu as repris sur scène, avec tes complices Amel Bent Vita, avec Edith Piaf, Amina Winehouse, enfin plein de trucs. Est-ce que tu aimes ça, surprendre, naviguer, ne pas être à l'endroit où on t'attend? J'avoue que je me pose pas trop la question. J'ai plutôt tendance à marcher au coup de cœur et au ventre et à mon excitation, en fait. C'est plutôt ça qui me guide et ça fait que, voilà, si je me retrouve à être émue par une chanson, je vais avoir envie de l'écouter en boucle. Du coup, je vais la prendre par cœur un peu malgré moi et du coup, je vais la chanter. Du coup, je vais avoir envie de la chanter. Et si l'occasion se présente, je la chanterai devant des gens. Mais il n'y a pas trop cette démarche que de surprendre. Si ce n'est peut-être, oui, à des moments à la télé où on demande de faire des reprises régulièrement quand même et où je me dis, bon, ça peut être chouette d'aller à un endroit où on s'y attend pas, mais où, en fait, si n'importe qui de ma génération le chantait, ce serait chelou une heure de grande écoute et donc prendre des chansons dont on s'attend pas qu'elles puissent sonner d'une certaine manière et finalement les rendre émouvantes ou les rendre assis, alors qu'à la base c'était des gros trucs de dance ou, enfin voilà, ça m'amuse pour la, entre guillemets, pour ce qu'on appelle la promo, enfin voilà, c'est des demandes en fait, quoi, presque. C'est pas moi une démarche que j'ai que de me dire je vais chanter du jazz, puis de la soul, puis de la pop, puis de la chanson, puis machin. Non, c'est pas trop. C'est vraiment parce qu'il y a des artistes et de la musique qui me touchent dans chacun de ces genres que finalement je les interprète aussi, quoi. Alors, t'as une particularité aussi, c'est que tu chantes souvent les yeux fermés. Ouais, alors, question un peu personnelle, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu vois quoi quand tu chantes avec les yeux fermés? Des ondes, je pense. Des ondes. En fait, le chant, c'est vraiment énormément de visualisation pour arriver à faire ce que je veux faire, en tout cas. Et avec les techniques de chant que j'ai appris avec ma prof vers mes 17-18 ans, parce que je savais faire plein de choses avec ma voix, mais en l'habillement. Et donc, j'avais beaucoup d'extinction et je partais en tournée. Donc, je me suis dit, mais je peux pas, en fait, prendre le risque. Donc j'ai travaillé avec une prof extraordinaire qui s'appelle Martina Catella, qui est ethnomusicologue, qui a voyagé dans le monde entier, qui connaît les techniques de chant traditionnelles du monde entier, et qui du coup m'a appris à faire ce que je faisais, mais sans me faire mal. Et donc pour pouvoir le faire, en fait, c'est vraiment beaucoup de visualisation qui peut très bien se faire les yeux ouverts, quoi. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression d'être plus connectée, quoi, quand j'ai les yeux fermés. Du coup, je suis pas en train de regarder les gens, en train de penser à ma silhouette, en train de penser aux gestes que je suis en train de faire, en train de penser à si je suis bien placée par rapport à la lumière, en train de me dire qui connaît les paroles ou qui, enfin voilà, je suis juste en train de me concentrer sur le chant et du coup, c'est, je pense que c'est plus sincère me concernant, quoi. Musicalement, j'entends. Une bouteille de lean, un gun à ton jean et un peu de foi en moi. Un avion dans le ciel, mais pour seule lumière, des étoiles au bout des doigts. Quand je pense que les flics au cœur métallique auraient pu être nos frères, mais l'uniforme est de fer. Chacun de ces pièges te fera grandir. Aucun de ne t'aura fait prier, et je serai ton empire. Reste en vie, reste en vie, reste en vie. J'ai coulé ces drapeaux, la sueur dans ton dos, tu fais tout ce que tu peux. Ta tête est mise à prix, ta fierté dans les mains, toi tu gagnes devant eux. Pose cette bouteille, dis-moi tes chagrins, es-tu compte à mes yeux? Es-tu compte à mes yeux? Oh. Chacun de ces pièges te fera grandir, aucun de ne t'aura fait prier, et je serai ton empire. Reste en vie, reste en vie, reste en vie. Tout change, si j'arrive à t'enlever ton cœur et ta liberté, je te guiderai sur la route des anges. Reste en vie, reste en vie, reste en vie. Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non, je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non, je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non, je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non, je ne veux pas m'en passer. Thank you. mais oui, surpris. À l'instant, c'était un extrait du dernier, un des derniers albums où on peut entendre Camélia Jordana. Elle fait plein de participations. On la retrouve un peu partout. Elle est sur tous les fronts. Mais c'est l'album qu'elle a sorti, un album rempli de sororité à ras-le-sillon, avec ses complices Amel Bent et Vita. C'était la reprise et la relecture de son morceau qui l'a fait découvrir. Elle l'a dit sur scène qu'elle s'était un peu éloignée de ce morceau à un moment parce que voilà, peut-être un peu trop présent, et elle y revient dans une version beaucoup plus atmosphérique et beaucoup plus tranquille. C'était ce non non non qui était paru donc sur le premier album de Camélia Jordana, qui était plus que prometteur. Et puis juste avant, c'était Reste en vie. Ça, c'est tout récent, c'est tout chaud, et c'est un des bons moments aussi de son concert et de sa tournée qui est actuelle et que je vous invite à aller mirer dans les salles de France. On retrouve Camélia Jordana dans On The Rocks dans l'interview exclusive qui est déjà disponible sur onthrocks.net si vous voulez juste l'interview et les musiques isolées. C'est possible, c'est maintenant. Voici donc la suite de l'interview de Camélia Jordana. Je vous dis pas ce que c'est maintenant. Tu parlais tout à l'heure d'accident, de voix un peu accidentée, et tu parles là de technique que tu as appris avec ta prof. L'équilibre doit être compliqué, justement, de pas que la technique ne prenne pas le pas et que laisser arriver un peu les effacements, Franchement, je travaille pas assez ma voix pour qu'il y en ait jamais. Hein. C'est la technique, comme j'avais déjà une technique vocale, enfin une technique, j'avais déjà un savoir-faire un peu parce que j'ai grandi avec de la musique d'Afrique du Nord autour de moi, que du coup, enfin voilà, il y a des bases presque culturelles quoi. Et parce que j'ai été sensibilisée à la musique très tôt, donc ça faisait un mélange. Il disait que je savais déjà faire plein de choses, mais encore une fois, plutôt en prenant pas du tout soin de ma voix. Donc en fait, la technique que j'ai acquise, c'est plus savoir faire ce que je veux sans me faire mal. Mais savoir faire ce que je veux, bon, il y a des fois où j'y arrive pas et c'est pas grave. Enfin, je le vis plutôt bien. Il y a des fois où je veux faire quelque chose et j'y arrive pas, ou alors je veux tenir quelque chose et ça finit par flancher et là, ça me fâche, mais ça va, je suis pas en train de sauver des vies, quoi. Tu composes au piano, sur scène il y a un clavier entre tes mains, et un peu comme Brel qui a complètement changé, une fois qu'il a posé sa guitare, il a commencé à laisser aller ses mains, il chantait plus pareil. Est-ce que toi t'as l'impression que ton approche du chant ou de la musique est différente lorsque tu as les mains sur un clavier ou lorsque tu es libre, parce que tu chantes aussi beaucoup avec les mains? Oui, ça n'a rien à voir. Il y a eu, sur ma deuxième tournée, sur mon deuxième album, Dans la peau, j'avais un clavier avec moi sur scène. Et en fait, je me suis dit que tant que je prendrais pas 6 mois de ma vie à ne faire que du piano ou que du clavier, en fait, je referais plus ça parce que c'est un vrai métier, quoi. Et en fait, c'est une partie de l'artisanat qui doit se travailler pour que ce soit maîtrisé, acquis et du coup inscrit dans le corps et complètement familier, et que ce soit à la maison, quoi, et pas qu'il y ait d'hésitation. Et là, par exemple, c'est une situation dans laquelle je pourrais avoir le trac. Parce que beaucoup moins acquise, quoi. Ouais. Donc, voilà. Tant que j'aurais pas pris ce temps-là pour travailler, je préfère ne pas le faire, laisser le faire à des gens qui savent le faire et que moi je me concentre sur mon chant et que je sois sûre de ce que je fais. Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone. Black trombone.

Ça, c'était Marine. Vous aviez reconnu évidemment le morceau de Diams qui date de 2004, qui a été repris par Camélia Jordana et ses deux complices Amel Bent et Vita sur l'album Soror. Il est sorti en 2021, comme le fragile, facile fragile, pardon, de Camélia Jordana. Eh bien, voilà, on ne peut plus clair. Ce message est malheureusement encore d'actualité. Donc, c'était Marine et juste avant, c'était Black Trombone sur les pianos de Gainsbourg, album sorti par André Manoukian, encore lui. Je vous conseille aussi d'aller voir le spectacle d'André Manoukian, ça vaut le coup. Seul sur une scène avec son piano et ses histoires, vraiment il est passionnant. C'était Black Trombone évidemment de Gainsbourg, repris par Camélia Jordana. Vous êtes dans The Rocks comme tous les lundis soirs et ce soir c'est une émission spéciale Camélia Jordana avec l'interview qu'elle a eu la gentillesse de m'accorder. Elle a vraiment joué le jeu. Je pense qu'elle doit être pas mal sollicitée et donc elle a joué le jeu. Elle a été disponible. Alors on avait un quart d'heure, on a un peu débordé et ça nous donne une bien belle émission ce soir. On la retrouve dans les loges de l'Astrolabe. Elle avait un bonnet, un pantalon large et un joli sourire. L'album, ton dernier album est un grand album schizophrénique avec deux disques qui sont vraiment assez différents dans leur approche et dans leur sonorité. On va en parler un peu, mais pourquoi avoir choisi de sortir sur le même format et pas deux disques différents et séparés? En fait, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est drôle parce que d'une personne à l'autre, parfois on me dit c'est très différent et d'autres me disent les deux s'enchaînent très bien. Voilà, donc ça dépend vraiment de l'auditeur ou de l'auditrice, que je trouve assez chouette. Et en fait, il y a en effet Facile, qui est un album de musique pop, et Fragile, qui est de la musique que j'arrive pas trop à décrire, que j'ai envie de décrire comme de la musique que moi je trouve sexy et sincère. Et c'est juste de la musique live. En fait, sur Facile, c'est beaucoup de chansons que j'ai fait avec plein de gens différents. J'ai co-composé avec plusieurs personnes et tout ça. J'ai tout écrit hein, sur les deux albums, tous les textes. Et sur Fragile, j'ai tout composé, sauf une chanson, Wild Man, qui a été co-composée avec Woodkid. Et il y a aussi, parce que Si j'étais un homme, c'est sur Facile aussi, qui a été faite avec Tristan Salvati. Bon, enfin voilà, et du coup, c'était impossible pour moi de ne pas faire coexister ces albums. Simplement parce qu'ils ont été faits vraiment à la même période, c'est-à-dire que le matin je partais en studio, je faisais des séances avec des gens, on faisait des chansons pour Facile, très pop, numérique, avec de la musique créée par des humains mais de manière digitale, et le soir je rentrais chez moi, j'étais sur mon piano et je faisais d'autres chansons, quoi. Enfin, c'était vraiment voilà un truc un peu de jour et de nuit et de communion avec des gens et une chose plus solitaire et qui était pas du tout sombre pour autant, quoi. Ça reste quelque chose d'assez lumineux, mais c'est peut-être plus intime, en fait. Voilà, plus intime et plus intimiste. Et surtout, du coup, Fragile, cet album-là, c'est de la musique qui est exclusivement live. C'est de la musique qui a été faite en studio avec des musiciens en deux semaines sur des chansons que j'ai faites pendant un an et demi. Là où Facile, c'est des mois et des mois et des mois de séances avec des gens différents. Voilà. Donc, non, c'est vraiment en fait une manière aussi de faire cohabiter les deux manières que moi je connais, en tout cas, de faire de la musique, quoi, parce que j'adore les deux et j'avais pas envie de renoncer ni au live ni au numérique, parce que ça fait, comme on le disait juste avant, aussi partie de la musique que j'écoute, la musique que j'aime faire, la musique que j'ai envie de faire, et j'avais pas envie de renoncer. En fait, je me suis fait ce cadeau que de ne pas faire de choix. Les garçons, ça les joue douces quand ça n'a pas de barbe, qu'on voit leur visage. Les garçons, leur caresse de mousse, mais même comme quand ça barde, qu'ils grondent leur présage. Moi je les aime les hommes, ils m'emmènent, dit en drame. Moi je les aime ces hommes qui m'entraînent, qui embarquent mon âme. Les les garçons, ça a la voix tendre quand ça parle pour de vrai et que c'est sincère. Les garçons, parfois même ça tremble lorsqu'ils se taisent, qu'ils ne sont plus sévères. Moi je les aime les hommes, ils m'emmènent, dit l'endroit. Moi je les aime ces hommes qui m'entraînent, qui embarquent mon âme. Actuellement, c'était Camélia Jordana, le grand changement sur sa trajectoire d'une petite quinzaine d'années maintenant, c'est que les morceaux sont composés par Camélia Jordana et composés et écrits par Camélia Jordana, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque du premier album. Un des sommets donc de cet album Fragile qui est sorti en 2021, c'était ce morceau Les Garçons sur un fil comme ça tendu et qui vraiment vraiment fait un plaisir fou. Je vous conseille d'écouter cet album, d'aller piocher les petites merveilles qu'il recèle. Une petite merveille, il y en a une autre qui s'appelle While You Breath. Il y a également un morceau assez fantastique qui a été coécrit avec Woodkid, qu'on s'est déjà diffusé dans The Rocks et qu'on se rediffusera certainement. En tout cas, le morceau While You Breath est pour moi un monument de cet album et m'a procuré une émotion comparable à celle que lorsque j'avais entendu Jeff Buckley peut-être pour les premières fois, ou certains morceaux de Mathias Stenn, Tamino, et qui lui aussi a été interviewé dans cette émission dans The Rocks. Et bien, c'est pas un hasard si ça m'a rappelé un petit peu Tamino. Vous allez en avoir le cœur net maintenant. Voici la suite de l'interview de Camélia Jordana pour The Rocks, enregistrée dans les coulisses de l'Astrolabe le 13 novembre dernier. Alors, on a beaucoup défendu plutôt l'album Fragile dans l'émission. Il y a des moments vocaux et d'ambiance absolument magnifiques. Les garçons, assez incroyables au niveau de l'ambiance et de la voix. Et puis, il y a ce morceau qui pour moi est la perle de l'album, qui est While You Breath. Alors j'aimerais être curieux de savoir quel était le décor du jour de l'enregistrement. Alors évidemment, on imagine des bougies, de l'encens partout et voilà. Ou est-ce que c'était des paquets de chips par terre et de la lumière criarde? Non, ni l'un ni l'autre. On était en studio avec Tristan Salvati, c'était notre première séance à deux. On a fait que deux séances, While You Breathe et Si j'étais un homme. Et c'est assez dingue parce que Tristan se connaît très peu. Ça faisait un moment qu'on s'était dit par personne en commun comme ça qu'on voulait travailler ensemble. On s'est écrit, on s'est appelé, on a fini par se donner rendez-vous, je me suis pointée et en fait ça a vraiment pris, c'était une séance de, je pense, 2 heures quoi, sur While You Breathe. C'est-à-dire que je suis arrivée, il a fait 4 accords et j'ai dit mais ça c'est trop bien, vas-y garde-les. Mais c'est vraiment les 4 premiers accords qu'il a joués quoi. J'ai dit bah ça c'est trop beau, vas-y garde ça quoi. Et puis il est parti pisser je pense. Et moi du coup entre temps j'ai fait ça et il est venu et on avait la chanson quoi. Et après, on l'a enregistré, on a fait 3 prises live, on a fait un petit montage pour les moments les plus beaux. Et c'était la chanson. Et puis après, il a rajouté un synthé, une petite... Ah non, attends, je confonds complètement. Ça, c'était Si j'étais un homme. Non, ça, c'était Si j'étais un homme. Well, you... Non, mais en fait, si, parce que c'est ça qui s'est passé. Attends. Cette chanson non, aussi non, c'est ça. Non, si, c'est ça. Non, je confonds avec Wild Man où je me disais non, c'est pas ça l'anecdote, mais si, en fait, c'est carrément ça l'anecdote avec Tristan. C'est ça qui s'est passé. Il est revenu, j'avais la chanson, on a fait les prises, il avait un son, il a fait un son de voix, mais sublime, en 4 secondes, j'ai rien compris. Et c'était hyper beau, et voilà, et on est parti là-dessus, quoi. Et on avait la chanson, et tous les deux, en fait, on était un peu comme des cons, quoi. Parce qu'on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est ouf, là, ce qu'on a fait, c'est trop bien, et. Et on se connaissait pas, enfin voilà, normalement c'est, enfin ça n'arrive pas quoi de faire de la musique aussi deep et aussi intime et aussi intense sans se connaître en 10 minutes quoi. Ouais. Et franchement c'est ça qui s'est passé quoi. Ben c'était le moment. En fait on s'est dit que c'était dû à la bonnette. Il y avait une bonnette sur son canapé que j'ai prise voilà. Et que j'ai trituré pendant genre 5 minutes le temps qu'il pose ses accords là. Il est parti pisser, et en fait, j'ai la montée qui m'est venue. J'ai dit, voilà, j'avais en tête un truc un peu à la Tamino. Ouais, et, ouais. Et, Habibi, là. Et j'écoutais ça en boucle à ce moment-là. J'ai dit, putain, j'aimerais trop avoir une chanson comme ça. J'ai jamais fait de chanson comme ça, c'est bizarre. J'adore ces trucs-là, c'est l'un des trucs qui me touche le plus. Et voilà, j'aimerais trop qu'on arrive à faire ça. Et voilà, il a fait ses 4 accords-là, il est parti pisser. Je te dis, j'ai fait, du coup, la mélodie qui est venue, comme ça, et... Et après, j'ai posé le texte. J'ai appelé mon pote, Lucas, qui est franco-américain, pour être sûr que tout ce que je disais était OK en anglais. Il m'a dit, c'est toi qui as fait ça? Je lui ai dit, ouais. Il m'a dit, ouais. Non, je ne l'ai même pas appelé. Je l'ai appelé en FaceTime par erreur. Et ce couillon, il est resté en ligne pendant genre 6 minutes. Et à un moment, je check mon téléphone pour enregistrer mes idées. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, meuf, j'étais en train d'écouter ta session, c'est trop cool, quoi. Et il me dit mais c'est toi qui a fait ce texte? Et je lui dis ouais. Il me dit mais il est trop bien et tout. Je dis ok, il n'y a pas d'erreur. Il m'a dit non c'est cool. Je dis bon bah vas-y, je te laisse, je vais travailler là. Et voilà, et on a fait ouais ces 3 prises, un petit montage, et vraiment genre 2 heures et demie après on avait la version quoi. Après lui il a fait un peu de son par dessus mais c'était pas beaucoup plus long que ça. There is no doubt I could ignore you. When you cry out, not sure your pain is true. I grew up, now I can't see through your eyes and feel when you lie. From the ground, your roots I've left. Then comes your fear. You fall apart, denying yourself. Do you realize you hold in your breath? And I know what is wrong in this. It doesn't belong to me, I read. While you breathe, I listen to you with my skin. While you fois, tripote des bonnettes et envoie les mecs pisser parce que sinon, ouais, n'hésite pas. Mais sans déconner, du coup, c'est exactement ce qu'on s'est dit parce que la deuxième fois, c'est ça qu'on a fait. Et ça a fait si j'étais un homme, ouais. Quoi. Bon, je suis arrivée hyper fâchée parce que je m'étais faite agresser par un gars dans sa voiture. Mais, et en fait, je me suis entendue, j'ai raconté l'histoire à Tristan en arrivant et je lui ai dit, mais t'imagines que si j'étais un homme, le mec n'aurait jamais fait un truc pareil. Il a posé pareil ses quatre accords et j'étais genre ok, bah si j'étais un homme, en fait c'est une bonne piste. Et en fait je pense que j'avais déjà la chanson en moi parce que pareil, genre en 15 minutes le texte est venu et la mélodie avec. Tristan m'a aidé sur le flow du refrain parce que c'était hyper cool et ça m'a fait halluciner d'ailleurs hier à Reims parce que j'ai vu des gens bouger comme on bouge quand on écoute un truc un peu plus hip-hop, quoi, en fait, taga, taga, da, vraiment ce truc, taga, taga, da, et c'est ouf parce que Tristan m'a dit, mais essaye ce flow-là, justement, qui est un flow hyper moderne, un peu de mec qui fait de la trap, mais sur de la chanson. Et c'est ce qu'on a fait, si j'étais un homme, je chanterais tout comme. Et en fait, ouais, ça a marché de ouf, et du coup, hier, pour la première fois, j'ai vu un kid bouger comme ça sur cette chanson-là, je me suis dit, putain, Tristan, trop fort, quoi. Gagné de ouf, et pareil, ouais. Et j'ai retrituré la bonnette et je lui ai dit, mec, ta bonnette, elle est sacrée. Genre, jamais tu jettes cette bonnette, quoi. Il m'a dit, ok, vas-y, je la garde. Ouais. Ah, si j'étais homme, leur voix me parlerait avec ce doux respect chaque jour de ma vie. La hauteur de leur ne s'envolerait guère et mes larmes chiffon ne couleraient que pour lui. Ah, si j'étais un homme, femme dans la rue. Oui, je serai lion. Ah, si j'étais homme, la décence de ma paix m'offrirait des rêves. Mes oreilles, quand ma bouche est muette, m'apprendrai qui je suis. Ah, si j'étais un homme, j'userais de ma voix. Je voudrais qu'elle résonne. T'es un homme, c'est un morceau qui figure sur le dernier album de Camélia Jordana, Facile, Fragile, et puis juste avant, la petite perle de cet album, While You Breathe. Camélia Jordana a sorti à ce jour quatre albums assez différents. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, il est sorti en 2010, qui avait été écrit par Babix, il y avait plein de monde qui avait prêté sa plume pour Camélia Jordana. C'était un joli patchwork qui manquait parfois un peu de cohérence, mais en tout cas un très bel album avec des morceaux formidables, Calamity Jane et compagnie. Et puis en 2014, Dans la peau, et il y a eu un virage en 2018 où le ton s'est un peu durci. Elle s'est affirmée en tant que femme, en tant que j'allais dire militante, mais pas vraiment, en tant que citoyenne tout simplement. Elle a abordé des sujets un peu plus frontaux et un peu moins légers. Cet album s'appelait Lost. Il n'a pas rencontré vraiment le grand public. Il a rencontré en tout cas la consécration aux Victoires de la Musique, puisqu'elle a eu une Victoire de la Musique qui lui a été remise par un Joe Star tout en quenotte et très en forme sur la scène. Et puis elle a eu un petit discours ce soir-là, mêlé de joie bien sûr d'avoir reçu ce prix, et d'un peu de tristesse, voire un peu d'amertume que cet album n'ait pas rencontré le public. Alors on va parler un petit peu avec Camélia Jordana de cet album là qui est sorti, qui lui a valu cette belle victoire et qui a en son sein des bien beaux morceaux également. Vous êtes dans The Rocks, émission spéciale Camélia Jordana ce soir. Deux dernières petites questions. T'as eu une Victoire de la Musique pour Lost en 2019. Ton discours était un peu amer par rapport au public qui n'avait pas vraiment rencontré cet album. Alors si aujourd'hui tu devais conseiller un morceau de cet album pour aider les gens à le redécouvrir. C'était pas vraiment par rapport au public, hein. J'étais triste que le public n'ait pas pu le rencontrer, mais parce qu'on n'a pas donné les moyens au public de le rencontrer, et on m'a pas donné les moyens de rencontrer le public sur cet album-là. C'était vraiment pas le public le responsable, fort heureusement. Un titre, c'est dur. Il est tellement dense aussi, cet album. Alors, je vais en donner trois. Je vais donner Daou, D-H-A-O-U-W. Une chanson en français un peu drakeienne dans les prods et en même temps un peu plus trad sur les refrains dans lesquels je chante, sur lesquels je chante en arabe. Je dirais Freddie Gray, qui est l'une des premières chansons que j'ai sorties en anglais sur laquelle on m'entend chanter comme je chante sur cette chanson-là, qui rend hommage à donc Freddie Gray, qui est un Afro-Américain qui a été tué à 26 ans à Baltimore. Après quoi donc ont eu lieu les émeutes de Baltimore en 2007, je crois. Et un troisième morceau, je dirais, il y avait quoi dans cet album, attends. Parce qu'il y a, c'est un album vraiment dense, hein. Il est très pareil. À lui, c'est le parfait mélange de facile fragile en fait. Ouais. C'est vraiment justement il y a vraiment beaucoup de live et beaucoup de numérique mélangé, et c'est j'aime vraiment bien cet album. Je dirais Ignore, c'est pas mal, ouais. Ignore, c'est bien. Ignore, qui est une chanson féministe en anglais. Je suis vraiment contente de la. Je suis contente de cet album en fait. There's on the floor, all the money out of my thoughts. There's on my shoulders, all of your secret homes. They're in my hands, the sadness of the world. Get we're gonna walk downtown again. Freddy Gray's soul is lingering on. People are running in my real head. But we won't have to make a low profile there. Today my heart is black as my skin. I'll be proud of it forever. Brothers on Baltimore Bay, our eyes are closed. There's a soul and we pray. I remember. Que le talent de Camélia Jordana était vraiment protéiforme. À l'instant, c'était deux morceaux qui figuraient sur son album de 2018, Lost. D'abord Ignore et à l'instant Freddie Gray, en hommage à Freddie Gray, justement, avec ce final assez, on dirait, bon, on se croirait presque dans 2001, l'Odyssée de l'espace. L'interview de Camélia Jordana va bientôt toucher à sa fin. Voilà, c'était une belle rencontre avec. Je suis pas sûr que Camélia Jordana ait encore livré son album majeur et son grand album, mais en tout cas sur chacun de ses albums, il y a des perles vraiment magnifiques. Et voilà, j'attends les prochaines aventures discographiques avec beaucoup d'impatience et de curiosité. Et elle a eu une année un peu chargée puisqu'elle a tenu des propos sur le racisme ambiant qu'on pouvait rencontrer dans ce pays, sur la trouille qu'elle avait. De se balader les cheveux détachés quand vraiment elle ressemblait à une arabe, je dis ça avec tous les guillemets, et la trouille qu'elle avait de se balader un peu en France, voilà, ça a fait beaucoup de bruit, elle s'en est pris pas mal sur la tronche. Alors je lui ai pas parlé de ça, bien sûr, mais j'ai un peu évoqué en filigrane pour terminer l'interview, c'est vraiment cette avalanche de douceur qu'on peut rencontrer parfois sur les réseaux sociaux qui lui sont tombés dessus suite à ses propos assez courageux et assez réalistes. Voilà ce qu'on en a dit. C'est la fin de l'interview de Camélia Jordana ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis, à Virginie, à l'Astrolabe, qui ont permis à cette rencontre de se faire, et à Camélia pour sa gentillesse et sa disponibilité. L'émission, l'interview est déjà à retrouver sur ontherocks.net dans l'onglet, pardon, émission spéciale. T'as traversé des périodes chamboulé, un peu cataclysmique. Quelle est pour toi la chanson d'un autre artiste, Refuge? Le morceau que tu aimes retrouver à chaque fois que le monde se dérobe, que ça tangue de partout. Un peu un morceau Refuge. Dans ces cas-là, j'en ai deux. J'écoute I Get Along Without You de Nina Simone, qui me ramène à la vérité et qui du coup me conforte dans ce que je suis. Et j'ai aussi le seul album qui est disponible sur Spotify d'une déesse mauritanienne qui s'appelle Dimi Mint Abba. D-I-M-I, plus loin Mint, M-I-N-T, plus loin Abba, comme Abba, A-D-B-A. Et ça nettoie bien, ça nettoie quoi, c'est cool. Ça sera diffusé aussi. Merci beaucoup pour ta musique, pour ta voix, pour le concert de ce soir. Et ne change jamais de prénom. Non, c'était pas au programme. Merci beaucoup. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall, ripped from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. Get along without you very well. I've forgotten you just like I said I would. Of course I have. maybe, except when I hear your name. Someone's life that's just the same. I've forgotten you just like I should. What a guy. What a fool am I? To think my aching heart could keep the moon. What's in store? Should I fall once more? No, no, no, no, it's best that I stick to my tune. I said that I'd get along without you very well. I do. Except perhaps in spring. But then I should never ever think of spring. For that would surely and let it linger. Jordana, à nouveau, avec The Thrill Is Gone, enregistré en 2016 avec Eric Truffaz, et juste avant Nina Simone, la grande Nina Simone, avec I Get Along Without You Very Well. C'est terminé pratiquement pour ce soir en The Rock. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Blutch, qui viendra revisiter Blutch, le fameux Blutch, rock'n'roller furieux, qui viendra visiter sa carrière rock'n'roll orléanaise et voire mondiale. Il sera en direct dans les studios, donc ça va changer d'ambiance, deux salles, deux ambiances. Et je vous dis donc rendez-vous à la semaine prochaine, 19h-20h30 dans The Rocks. Et je vous laisse avec un petit souvenir qui devra faire plaisir à la Duduche. Voici Vénus avec Mingle with the Night, tiré de leur album The Man Who Was Already Dead. Bonsoir, à bientôt. C'était Manu, c'était on The Rocks. Et une bise à l'abeille. white, red spirits in gray, mingle with the night, you let me.